pour ça qu'on a un ennemi qui vient. Ça compte que vous êtes un peu sarcoïant, mais c'est un bon sarcoménien. Sarcoïdie, de sarcoïncidence, on devient tous des sarcotages. On veut des sarcopérations, on attend des sarcomissiles. Attention aux sarcomando et aux petits sarcolabos qui guettent des sarcocomanes et des traces de sarcocanines. Nous soignons nos sarcos, même à grande gorgée de sarcognac. Et tout en prendre au sarcos, on va faire le sarcos.